T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff, Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. We are as monsters. Yeah, let's see. Du nord au sud, est en ouest, ouais. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, allez-y directement maintenant. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et Happy Independence Day à nos amis américains, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 4 juillet 2020. Oui, c'est la fête nationale américaine, le jour de l'indépendance. Eh bien, on espère que malgré les événements, on commence tout doucement à y être habitué, hein, les événements de pandémie qui sont encore très très virulents là-bas. Eh bien, j'espère qu'ils passent une bonne fête nationale, une bonne fête de l'indépendance. Et puis, nous, on est là pour leur donner aussi un peu de sourire avec la musique. Et à vous aussi, que vous nous écoutiez bien chez vous. Peut-être êtes-vous en train de siroter un bon petit cocktail sur votre terrasse ou dans un café. Peut-être êtes-vous en train de faire les soldes, pourquoi pas. Peut-être êtes-vous en train de faire du sport et que vous êtes tombé sur la fréquence de RGL et que vous êtes tombé sur Planète Indie. En tout cas, quoi que vous fassiez, ne changez surtout rien. Pendant 1h30, eh bien, nous allons parcourir le meilleur de la musique indépendante, le meilleur de la musique alternative, comme chaque premier samedi du mois depuis maintenant une bonne paire d'années, puisque aujourd'hui c'est l'épisode numéro 420. Ça fait déjà un bail, ça ne nous rajeunit pas. On a pas mal de choses à vous proposer, des nouveautés. Oui, je peux vous donner quelques noms. On va écouter Manish Boy, Nico Choro and the Fresh Stones, Sugar Lime Blue, Darwin. Tout ça, ce sont des groupes, des artistes qu'on n'a encore jamais entendus dans cette émission. Et puis... vous en avez encore regardé deux autres, je vous ai pas donné les noms encore parce que c'est avec eux qu'on va commencer. Il y aura un nouvel artiste belge, il s'appelle Art of Empathy, il est originaire du Limbourg belge. C'est de la musique un peu rock progressive, gothique, vous allez voir, on va l'écouter presque tout de suite parce qu'avant on va écouter une autre artiste, elle s'appelle Felixity. Et eh bien, son morceau s'intitule On My Knees. Eh bien, je vous propose de lui laisser tout de suite la place, Felixity On My Knees, et puis après le nouveau belge qui monte et qu'on entendra encore très souvent, je pense, dans cette émission, Art of Empathy avec Here Comes Everybody. Never say it right, play it right, just how we wanted. His game and my masochist addictive side, ready to be haunted. You loved me on my knees, face down, arms bound to my body. You loved me on my knees. I'm fighting wars under your sheets. You slow, baby, let the cold in. Tonight I imagine that it's your body that's here, that I'm holding. I'd rather stay right here. I'd rather stay right here. I'm fighting wars under your sheets. Rise voilà, ça c'est un des points positifs du confinement, ma foi, c'est qu'en tout cas moi j'ai eu beaucoup plus de temps pour partir à la découverte de nouvelles musiques, de nouveaux artistes. C'est comme ça que je peux vous proposer notamment ce nouvel artiste, Art of Empathy. On l'écoutait avec Here Comes Everybody, cet extrait de son premier album qui s'appelle End of Eye. Et ce que je peux vous garantir, eh bien, c'est qu'on en entendra encore parler dans cette émission. Et ailleurs aussi pour lui, je l'espère en tout cas. On va écouter la fin et puis après on écoutera un autre morceau un peu dans le même style. Le groupe Mono Inc, qu'on avait déjà entendu auparavant avant le confinement, avec leur nouveau single, The Book of Fire. years old, lost within one night. All the magic dead and gone, the wisdom we desire. There was thunder and light, it was raining all night, but it burned with a book of fire. Jusqu'au bout, on ne s'en lasse pas, Mono Inc. avec The Book of Fire, c'est leur nouveau single. Enfin, quand je dis nouveau, il est nouveau déjà depuis quelques mois. 17h21, eh bien, je vous propose de partir maintenant à la découverte de notre album Powerplay. Si vous nous êtes fidèles, vous connaissez le concept. Si vous êtes nouveau, un nouvel auditeur, une nouvelle auditrice de Planète Indie, eh bien chaque mois, nous allons plus en profondeur sur un album qui en vaut vraiment la peine. Et on passe un peu en revue la biographie, la vie, enfin toutes les infos que j'ai pu trouver sur l'artiste en question. Et aujourd'hui, il s'agit d'une chanteuse qu'on a écoutée pour la première fois le mois dernier. Elle s'appelle Stephanie Hatfield. Je ne pensais pas la reprogrammer si vite comme Powerplay. Et puis finalement, en regardant la liste, ma liste d'attente sur, de candidats, eh bien, je me suis dit pourquoi pas finalement, pourquoi pas la mettre déjà aujourd'hui. Stephanie Hatfield, eh bien, c'est une chanteuse, compositrice, multi-instrumentaliste. Elle est aussi professeure de musique et elle est une artiste de scène. Et tout ça, elle fait dans sa région de Santa Fe. Au départ, eh bien, elle est originaire de la région de Détroit. Et elle a déjà commencé à chanter il y a plus de 30 ans. Et elle a notamment eu pas mal de beaux résultats dans des compétitions nationales, voire dans son état de Détroit, c'est le Michigan, à vérifier. En tout cas, voilà, déjà quand elle était à l'école, elle chantait, elle a eu déjà pas mal de beaux résultats dans toutes ces compétitions. Elle a déjà fait une tournée européenne à l'âge de 16 ans, c'est vous dire. Elle a reçu ensuite une bourse pour aller à l'université. Elle a obtenu un diplôme en comment est-ce qu'on va dire, classical voice performance, on pourrait traduire ça par eh bien, la pratique de la voix de manière classique, et ça s'est passé à la Michigan State University. Ensuite, eh bien, elle a quitté le nord des États-Unis, elle a déménagé vers l'ouest, et elle a commencé à se produire dans des productions musicales. Elle a notamment eu les premiers rôles dans des productions comme Cabaret, Chicago, Evita, Oklahoma ou encore Le Fantôme de l'Opéra. Donc c'est pas des petites productions, hein. En même temps, eh bien, Stéphanie, elle a commencé à écrire de la musique, à écrire des chansons et à étendre ses capacités avec du jazz, du rock ou des groupes de musique americana. Elle a reçu de nombreuses récompenses à travers sa carrière comme artiste, notamment une récompense de meilleure chanteuse féminine de Santa Fe, meilleure chanteuse, meilleur nouveau groupe, meilleur groupe rock. Oui, puisque Stéphanie, eh bien, elle est la chanteuse principale, la compositrice, et elle joue en plus de la guitare pour son propre groupe qui s'appelle aussi Stéphanie Hetfield. Elle a participé à des douzaines, enregistré des douzaines d'albums pour des musiciens d'envergure nationale ou locale. Et puis elle a aussi, en parallèle, eh bien, elle donne aussi des leçons de musique, notamment dans la région de Santa Fe, donc au Santa Fe Performing Arts ou à la Mariposa Montessori. Et elle donne aussi des leçons privées. Voilà, je crois que j'ai été assez complet pour l'instant. On ira voir d'autres aspects un peu plus tard. Mais je vous propose donc d'écouter un premier extrait de son album qui s'intitule Out This Fell. Et l'album que je vous, le morceau que je vous propose d'écouter maintenant s'intitule In Those Woods. Je vous rappelle son nom. C'est Stéphanie Hetfield, notre powerplay aujourd'hui dans Planète Indie. Power play. Power play. Close your eyes. Je rappelle son nom, c'est Stephanie Hatfield, une artiste américaine. Elle vit à Santa Fe, c'est notre powerplay aujourd'hui dans l'épisode numéro 420 de Planète Indie avec son album Out This Fell, ce qui veut dire qu'on l'écoutera encore deux fois d'ici la fin de cette émission. Je vous ai mis sur le groupe Facebook la vidéo d'ailleurs de ce morceau. Pour l'heure, on poursuit avec une autre nouveauté, c'est la première fois qu'on l'entend aussi dans cette émission. À les entendre chanter, on ne dirait pas qu'ils sont français, pourtant ils sont français. Il s'appelle Nico Chora, il est accompagné par les Fresh Stones et le morceau qu'il nous interprète s'intitule Black Sky Man. Nico Chora et les Fresh Stones, et puis après encore une autre nouveauté, Manish Boy, et un morceau intitulé tout simplement You. Thank you.

break me down. Why should I trust you? Please tell me why. When you let me down before. When you let me down. You were the one. You told me, baby, it was meant forever. You played a game. Never shown your hands up, jokers. I'm moving on. And baby, you will never break me down. Baby, you will never, ever break me down. Johnny was a train wreck looking. j'espère que vous appréciez la programmation musicale. Ce morceau-ci est un peu différent des guitares qu'on a entendues juste avant. Un morceau d'ailleurs que je vais en profiter pour le dédier à quelqu'un que je trouve qui est formidable. Elle s'appelle Hélène. Le morceau s'intitule « I walk the line for you », ça veut dire « Je franchis la ligne pour toi ». Et l'artiste, c'était White All Red. Il est 17h45, donc on est déjà à la moitié de cette émission. C'est fou comme ça passe vite. Moi, j'ai l'impression que ça a commencé il y a 5 minutes. Eh ben non. Donc, on passera en revue d'ici quelques minutes, eh bien, la programmation de nos partenaires, nos salles de spectacle partenaires, puisque la vie reprend tout doucement son cours et les spectacles aussi. Notez de toute façon qu'à la Rocale, il n'y a encore rien de programmé avant fin juillet, donc là on va gagner un peu de temps. Pour l'heure, je vous propose encore d'écouter le morceau I Am a Rocket Ship, c'est le nom du groupe, et le morceau s'intitule Crush. And am a rocket ship, ça veut dire en gros, eh bien, je suis une fusée spatiale, c'est le nom du groupe, et le morceau s'intitule Crush, ça veut dire en gros un accident, bah, c'est pas ce qu'on leur souhaite aux fusées spatiales. Bref, je vous le disais il y a quelques minutes, pas de spectacle à la Rocale avant au moins le 31 juillet. Si vous aviez des tickets pour un concert ou un spectacle qui devait se dérouler et qui a été annulé, eh bien vous pouvez vous le faire rembourser. Et si le spectacle a simplement été décalé, postposé, eh bien votre ticket reste valable pour la nouvelle date. En ce qui concerne la Culture Fabrique, eh bien ce soir, vous avez le Kufa Summer Bar avec les Lone DJs. Ça commence à 19h, donc pas de souci. Vous écoutez Planète Indie jusqu'à 18h30. Et puis, vous allez jusque là-bas. Pareil, vendredi prochain, vendredi 10, c'est plus les Lone DJs, ce sera From Hell to Summer. Entre-temps, mercredi, il y a séance de cinéma gratuite avec Mistaken for Strangers. Ce sera à 21h30. Eh bien, c'est l'histoire d'un groupe qui a eu la chance, enfin, d'avoir une tournée qui pourrait peut-être les propulser sur le devant de la scène. Mais le leader du groupe est tellement angoissé qu'il fait un peu tout foirer parce qu'il picole un peu trop. Donc, ça, c'est le programme de ce film Mistaken for Strangers, mercredi prochain, à 21h30. Et puis, samedi 11, ce sera l'arnaque. Allez voir sur le site de la Culture Fabrique pour plus d'infos. Et dernière date au mois de juillet, le 18 juillet, ce sera le Squat Fabrique numéro 2. En ce qui concerne l'abbaye de Neumünster, il y a aussi des concerts qui ont repris, notamment ce soir à 21h. C'est un peu plus classique qu'à la Culture Fabrique. C'est un concert intitulé Les délices de la solitude. Un concert d'après un recueil de sonates du compositeur baroque français Michel Corrette. Demain, c'est DBDB, à savoir Dame Bellardi Déconfiture Band. 10 juillet, un concert Olé qui nous emmène en Espagne et en Amérique latine avec des œuvres des compositeurs Fernando Sor, Federico Garcia Lorca, Heitor Villa-Lobos ou encore Ernesto Cordero. Le 12 juillet, de Minor Majors, c'est du Hard Bop. Le 15, Claire Parsons et Eran Har-Even Duo. Le 17, dans les jardins secrets de Coubertin. Le 19, Eve Bevens. Et le 20 juillet, Nicole. Pour plus d'infos, vous allez aussi de nouveau sur le site de Neumünster, très simple, neumünster.lu. Dans quelques minutes, nous retournerons nous sur notre album Powerplay, l'album Out This Fell, de l'artiste américaine Stephanie Hatfield. Avant cela, je vous propose d'écouter les Sugar Lime Blue, encore une autre nouveauté, et le morceau s'intitule Dragging Our Sails. Chasing my tail, praying angels on. Dragging Our Sails par l'artiste Sugar Lime Blue. Je pense que je l'ai mise aussi sur ma liste de powerplay à venir. Et tant qu'à parler de powerplay, je vous propose sans plus tarder de retourner sur notre powerplay du jour, l'album Out This Fell de Stephanie Hatfield. Je vous disais tout à l'heure qu'elle était originaire de la région de Détroit, près des Grands Lacs. En tout cas, bien qu'elle soit originaire de cette région, eh bien, cette artiste multi-instrumentaliste porte quand même avec elle un héritage du hillbilly le plus pur du Kentucky, avec une riche histoire poétique, et ce désert du sud-ouest, eh bien, c'est cela qu'elle appelle maintenant sa maison. Il est évident, bien entendu, que des endroits différents, en tout cas tous les endroits différents qu'elle a traversés, ont inspiré ses chansons et ses paroles. Mais c'est quand même la passion, eh bien, qui pilote la musique de Stephanie Hatfield. Un peu comme eh bien, son itinéraire et son voyage à travers le pays, son expression musicale a aussi beaucoup voyagé, puisqu'elle a commencé à chanter dans les chœurs à l'église. Elle a pratiqué des genres aussi divers que la musique classique, l'opéra Broadway aussi, le jazz, le folk, et puis finalement elle a trouvé sa dernière, on pourrait dire dernière, mais bon, ça a un peu une connotation négative, en tout cas sa demeure actuelle dans la musique rock. Que vous dire de plus? Eh bien, tout à travers sa vie de voyage et d'exploration, la musique est restée une constante dans la vie de Stephanie Hatfield. Je vous disais tout à l'heure qu'elle a commencé très jeune. Déjà à l'âge de 8 ans, elle chantait dans 3 chorales d'églises différentes. Et à l'époque, pour son premier concert, ce n'est pas la peur de se retrouver sur scène qui la tenaillait, qui lui faisait tressailler les entrailles, on pourrait dire. C'est plutôt ce qu'elle craignait par-dessus tout, eh bien, c'est de se trébucher et de se casser la figure dans son chemin pour arriver sur scène. Finalement, eh bien, c'est les applaudissements du public après sa performance qui, eh bien, ont entamé et fait grandir son amour et sa passion pour la musique dès son plus jeune âge. Je vous ai mis tout à l'heure, je vous l'ai dit, la vidéo du morceau qu'on a écouté précédemment. C'était un morceau intitulé In Those Woods. Et bien maintenant, je vous propose un second extrait de cet album Out This Fell. Et le morceau s'intitule tout simplement Lucy. How I play. How I play. Ooh, see ahead a wonderful dream. much love, pain, and wall of your fate. Held like a shield, never could find an easier way. All you claimed from this big world, from a big world. Oh, Lucy, how I miss the voice called my name, always laced with your southern twang. So much love, pain, all of your pain, held like a shield, never could find it away. Lucy, your blue eyes told a story somehow twisted and tangled with mine. Now I see what you always knew, dreams that were withered and spent like the dew, spent like the dew. Oh, Lucy, how I miss the voice called my name, always laced with your southern twang. So much love came, wall of your pain, held like a shield, never could find an easier way. Oh, Lucy, how I miss the voice called my name, always laced with your southern twang. So much love came through all of your pain, held like a shield, never could find an easier way. Alone. I

aujourd'hui, je pense que c'est la journée des morceaux très longs. C'était le cas en début d'émission avec le Art of Empathy ou Monoing, des morceaux de 6 ou 7 minutes. C'est pareil ici à l'instant avec Aitopus, la variante numéro 6 de leur nouveau morceau qui s'appelle Rusty Sin. Je peux pas tous les laisser en entier, désolé. Parfois on le fait, parfois on le fait pas. Là on commence tout doucement à être pris par le temps, il est 18h12. On doit encore faire notre capsule BD. Alors ce que je vous propose, c'est de le laisser en arrière-fond musical et je vous fais mon petit commentaire BD mensuel du jour. Alors aujourd'hui c'est une BD un peu particulière, c'est un recueil de gags. C'est sorti chez Fluide Glacial, donc on sait déjà par où ça va nous mener. L'album s'intitule « Faut pas prendre les cons pour des gens ». Alors je vous ai mis le résumé de 2-3 petites blagues pour commencer. La première est celle-ci. Un homme est en consultation chez son médecin. Cette dernière lui annonce qu'il n'en a plus que pour quelques mois à vivre. Comme cet homme est persuadé que l'argent peut tout acheter et que tout homme a son prix, il augmente son offre à chacun de ses aveux d'impuissance, donc l'aveu d'impuissance de la médecin, de la doctoresse, pour qu'elle fasse en sorte qu'il ne meure pas. Finalement, sur la dernière case, on voit l'épitaphe suivante sur sa tombe. « Forte récompense à qui me sortira de là ?» Et puis il y a aussi celle du candidat kamikaze qui se voit reprocher par le recruteur de ne pas avoir d'expérience dans le domaine, alors que l'annonce de recrutement stipulait bien « kamikaze expérimenté ». Et pour prouver sa motivation au recruteur, il lui propose de se faire exploser illico devant lui. Le recruteur évidemment n'est pas très très chaud devant l'idée. Et puis encore les clients de la banque qui attendent bien sagement dans la file d'attente que le guichetier ait fini de braquer à main armée son client pour passer à leur tour à la caisse. L'une des clientes s'impatiente même parce qu'elle n'a pas que ça à faire et qu'elle doit encore aller se faire braquer au supermarché ensuite. Ce monde ne tourne plus tout à fait rond. On s'est tous un jour trouvés devant des faits qui nous paraissent absurdes. On est tous le compte quelqu'un. Le corollaire étant que tous autant que nous sommes, nous avons notre ou nos cons de prédilection. Et avec ce livre, c'est tout un catalogue qui nous est livré à domicile. On va pouvoir s'en donner à cœur joie. Le filon de la connerie semble inépuisable, notamment dans des situations tout ce qu'il y a de plus ordinaire. L'une des constatations les plus marquantes pour les auteurs sont Reuset et Rouault, je ne l'avais pas dit au début, fut de remarquer à quel point la réalité peut dépasser non seulement la fiction, mais aussi la caricature, et de retrouver dans la presse des situations loufoques quelques mois seulement après qu'ils les aient imaginées. Quand on aborde l'actualité comme les deux auteurs en se disant que l'on peut rire ou faire rire de tout, sans exception, l'une des difficultés de l'exercice consiste à trouver le bon angle d'attaque, notamment vis-à-vis de circonstances qui, a priori, ne prête pas à cela. De plus, le burlesque ne doit pas non plus rendre le bourreau sympathique au risque de brider le message sous-jacent. Du coup, en poussant l'absurde dans ses derniers retranchements jusqu'à renverser l'ordre normal des choses, la farce rebondit et explose à la face du lecteur qui ne l'a pas spécialement vu arriver. L'absurdité est d'autant mieux mise en lumière que les situations évoquées sont pour beaucoup tirées de notre quotidien. La précarité, l'intelligence artificielle, le suicide en entreprise, l'éducation nationale, la publicité, les fins de mois difficiles, etc., etc. En conclusion, eh bien, je dirais ceci, il est probable que suivant votre sensibilité, certains gags vous parleront plus que d'autres, mais que vous soyez aficionado des Monty Python, adepte de l'autodérision et du surréalisme, vous adorerez cet album, même s'il nous renvoie parfois en pleine figure des réalités que l'on préférerait garder enfouies ou éloignées. Quoi de mieux dès lors qu'une petite dernière pour la route ? Allez, on annonce une vague de suicides par pendaison chez les kamikazes. Pendaison chez les kamikazes, qui veulent ainsi protester contre les patrons voyous car suite à la fusion de leur phalange avec une organisation terroriste plus importante, ces derniers, donc les patrons, ont dû licencier 500 d'entre eux. 500 kamikazes licenciés. Voilà, je pense qu'eux s'attendaient à avoir un autre destin. Je vous rappelle le nom de cet album, « Faut pas prendre les cons pour des gens ». C'est sorti chez Fluide Glacial déjà en septembre 2019. Je vous mettrai aussi la couverture et la conclusion sur notre groupe Facebook et puis la fiche de lecture complète sur notre site internet www.ilovemusic.ga. Voilà, pour le retour à la musique avec une autre nouveauté, on va du côté du Danemark cette fois-ci. Alors lui, on ne peut pas dire qu'il ait choisi un nom commercial, hein. Il s'appelle Christopher Rosing Schofield et il est accompagné pour l'occasion de Claire Moutebi, et le morceau s'intitule Please. Place me on a train, lost between mountains and sea. Please claim me in the rain. I never really wanted to be free. Please dump me in a hole. Take the stage with all the dancers. Set another goal. Look for other answers. Fly another plane. Take engine will dance. va raccourcir un tout petit peu ce beau morceau de Christopher Rosing Shawl, pardon, accompagné de Claire Moutebi. On le réécoutera une prochaine fois, je vous le promets. Je l'avais déjà programmé la dernière fois et puis on n'a pas eu le temps. Il n'a pas de chance, mais bon, le temps nous presse et on doit encore retourner sur notre album Powerplay, ce que je vous propose de faire maintenant. On a beaucoup parlé de Stéphanie tout à l'heure, je vous propose de parler un tout petit peu de cet album Out This Fell. En lui-même, l'album et sa pochette ne donnent pas beaucoup d'indications sur le style musical qu'on va y trouver, puisque c'est vrai qu'on y rencontre du rock, de la pop, de la country et du folk tout à la fois. Il est donc évident que cet album s'adresse à un large public. Cet album Out This Fell, c'est le quatrième album de Stephanie Hatfield. Il est aussi autofinancé et produit par son mari Bill Palmer depuis leur ville de Santa Fe au Nouveau-Mexique, où Stephanie bénéficie déjà d'un succès populaire non négligeable et où le couple dispose de son propre studio d'enregistrement. Je vous invite à aller faire un tour sur son site internet pour plus d'infos. C'est www.stephaniehatfieldmusic.com. Et à 18h23, on va écouter un troisième et dernier extrait pour aujourd'hui de cet album. Et c'est presque un message pour moi, puisque le morceau que je vous ai choisi s'intitule « Gone, Gone, Gone ». Donc ça veut dire « Parti, parti, parti ». Bah oui, il est presque l'heure pour moi de partir, mais on va encore au moins écouter ce morceau. Et puis, derrière, on aura encore le temps. Ce sera Alfred Gomez Junior, avec Irene. Power play. How am I to tell the story of my life without a lace? Time quiets down and events they spread out like suitcases. Lodged from a baggage claim, set in order of my paces. Really lacking the call of the chaos she embraces. Gone, gone, gone are the times when we tore the words from each other's mouths. Charges from an electrical storm, twisting to the ground. We were bound. We would spend a summer listening to the slow, hot breath of the sea, holding me to her as a slave, a mentor, a devotee. That she was would in time be revealed in me. My love and my dream she took for her own to be. Gone, gone, gone are the times when we taught the words from each other's mouths. The charges from an electrical storm, twisting to the ground. We were bound. Ooh. c'était Stephanie Hatfield, Gone, Gone, Gone, extrait de notre powerplay de ce jour, Out This Fell. Il va être tout doucement l'heure de se quitter. Eh bien, j'ai passé un très bon début de soirée en votre compagnie. J'espère que vous aussi, que vous avez apprécié la programmation musicale. Je vous rappelle que cette émission est rediffusée demain sur cette même fréquence et sur toutes les fréquences de RGL, que ce soit via Internet, sur le câble de la télédistribution, et puis sur... les ondes hertziennes, bien entendu, aux mêmes heures, demain, 17h, 18h30. Vous retrouverez aussi le podcast sur notre site internet www.ilovemusic.ga ou via notre groupe Facebook. N'hésitez pas à nous rejoindre, vous tapez Planet Indie dans Facebook. Prochaine émission, le 1er août, ce sera l'épisode numéro 421. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Portez-vous bien, à bientôt. Et Happy Independence Day à nos amis américains à nouveau. À bientôt. Sabes bien que este adiós no es hasta luego. Toma mi mano aunque sea de consuelo. Y nadie sabe cuándo va, nadie sabe cuándo viene. Así es Irene, la vida tiene sus vaivenes. Y nadie sabe cuándo va, nadie sabe cuándo viene. A veces quiere y a veces hiere. Nuestra ausencia distorsiona la verdad. El tiempo pasa y nos enseña a sujetar. Aquello que se ama no lo dejes ir jamás. Nadie sabe cuándo viene, así es Irene, la vida tiene sus vaivenes. Nadie sabe cuándo va, nadie sabe cuándo viene, a veces quiere y a veces hiere. Nadie...